Chapitre 7e. Le salon de Tangley Manor, pièce haute et spacieuse, avait une large baie d'un côté et de l'autre trois fenêtres à la française. À chaque extrémité, une cheminée en marbre blanc sur laquelle étaient posés de splendides vases de Sèvres, achetés par Geoffrey Blake à l'un de ses voyages à Paris, ville qui avait eu pour cette nature active et chercheuse un attrait tout particulier. Le mobilier d'un goût parfait, léger de forme, les étoffes de nuances sans éclat, avaient été choisies moins en vue de grande réception que pour un usage journalier. Entre les fenêtres, de petites bibliothèques étagères, ça et là des aquarelles sur des chevalets. Lorsque Morton rentra ce même soir, après sa promenade à travers champs, le salon présentait un aspect charmant. Un feu de bois flambait dans l'âtre. De grosses lampes, dont les abat-jour de couleur, ornées de dentelles, tempéraient l'éclat, répandaient une lumière claire mais tamisée. Quatre femmes étaient assises près du foyer à l'extrémité du salon, la plus âgée dans un fauteuil large et bas, à côté d'elle, sur une petite table, une lampe Victoria et une corbeille à ouvrage. Miss Dorothée, plus connue sous le nom de Tante Dora, était la sœur de Walter Blake. Elle avait le gouvernement de la maison. Tout le monde autour d'elle l'aimait et la respectait. Jeune fille, on ne la trouvait pas jolie. Son visage pâle et intéressant passait inaperçu. Mais, arrivée à un certain âge, sa tournure distinguée, ses traits rectilignes, sa physionomie sympathique, formaient un ensemble que nombre de ses contemporaines, bien autrement admirées qu'elles, au printemps de leur vie, ne possédaient plus. Ses cheveux avaient complètement blanchi dans l'année de la mort de son frère, bien qu'elle ne fût alors âgée que de 26 ans. Cette teinte argentée s'harmonisait parfaitement avec sa pâleur et avec ses yeux noirs et doux. La tante Dora avait aussi le don de savoir s'habiller suivant son âge, mais avec une simplicité voulue qui n'excluait pas l'élégance. On la considérait comme une autorité dans l'art de la toilette. Elle n'était point cependant l'esclave de la mode, et jamais, par exemple, elle n'eût consenti à adopter le jersey, malgré tout ce que son journal eût pu dire en faveur de ce maillot en vogue. Du reste, cette docte et aimable personne avait en toute chose le goût fin et délicat. Elle aimait les jolies femmes, les fleurs sauvages et exotiques, les fougères, les plantes de serre, les beaux ameublements, les belles toilettes, les chevaux pur sang. Mais elle n'était ni égoïste ni personnelle. Elle n'hésitait jamais à abandonner son élégante robe de chambre, son luxueux boudoir, pour faire 3 ou 4 kilomètres à pied dans les chemins boueux, sous la pluie et le vent, lorsqu'il s'agissait d'apporter une consolation ou un soulagement à un malheureux. Elle était le bon conseil de toutes les ménagères, des jeunes mères et des jeunes filles de ces parages. Sur un tabouret, devant le feu, était assise la sœur aînée de Morton, Clémentine, appelée par abréviation Ténée. Sa taille svelte et souple avait la grâce de la ténuité du roseau. Elle contrastait en tout point avec sa sœur Horatia, à laquelle on eût accordé le droit d'aînesse, si on devait juger du nombre des années par le développement physique. Du reste, les deux sœurs ne se ressemblaient en rien. Malgré cela, leur entente n'en était pas moins parfaite, leur seule querelle n'ayant jamais que de légères taquineries pour objet. Horatia jouait aux échecs avec une toute jeune fille, aux 12 yeux gris, aux cheveux châtain clair. Ses traits n'avaient rien de remarquable, sauf la bouche aux lèvres roses, aux dents blanches et brillantes. Miss Dorothée Blake avait adopté cette orpheline de naissance obscure et dont la destinée ici-bas semblait devoir se borner à s'oublier pour le prochain. Si elle était rarement invitée aux réunions de la haute société du comté, qui la dédaignait, en revanche, tous les déshérités de la fortune faisaient sans cesse appel à son bon cœur et à son dévouement. On eût été surpris de la rencontrer dehors, sans avoir au bras un panier rempli de provisions ou de médicaments qu'elle portait d'un bon pas, bravant la pluie et le vent, sans avoir jamais l'air de sentir la fatigue. On la disait fille d'un artisan de Blackford. On prétendait même qu'elle avait été obligée de travailler à la fabrication des plumes de fer ou des boutons. Le monde chic de ces parages, représenté par Mme Aspinall, blâmait Tante Dora d'avoir adopté Elizabeth Hardman et prétendait que tôt ou tard, elle aurait à s'en repentir. On tenait peu de compte de la jeune Lizzie, mais il n'avait garde de se plaindre du sort. Tout ce que Tiny et Horatia lui racontaient de leurs plaisirs mondains n'excitait point ses regrets. Elle n'avait d'autre ambition que de plaire à Tante Dora et de se rendre utile à tous. Le retour de Morton causa une véritable surprise au groupe féminin que nous venons de décrire. Comme vous rentrez de bonne heure, s'écria Tiny, en étendant sur la plaque en cuivre luisant du foyer mobile ses petits pieds chaussés de bas de soie et d'élégants souliers à boucles. Quand vous dînez à Fairview, vous n'en revenez habituellement qu'à 11 heures. Je n'ai pas dîné à Fairview. Mais où donc alors? Demanda Horatia. Puis, s'adressant à sa partenaire, elle ajouta sèchement. Je vous conseille de jouer avec plus d'attention, Lizzie, si vous ne voulez pas que je vous fasse échec et mat en 3 coups. Lizzie détestait le jeu sous toutes ses formes, mais il n'en fallait pas moins qu'elle fît une partie chaque fois qu'on avait besoin d'un adversaire, adversaire d'autant plus recherché qu'elle perdait toujours. L'impression qu'elle avait éprouvée, en voyant entrer Morton si pâle et si défait, lui avait donné plus de distraction encore que de coutume. Tante Dora s'était bornée à dire à son neveu un bonsoir affectueux, sans quitter des yeux son tricot. Tiny continuait à examiner ses jolis souliers tout en admirant la grâce de son pied cambré. Horatia était tout absorbée par le plaisir de faire perdre en 3 coups sa faible antagoniste. J'ai eu quelques affaires à régler qui m'ont empêché de dîner, dit Morton en se laissant tomber dans un fauteuil. Sonnez, reprit la tante Dora en s'adressant à Tiny. Faites apporter à votre frère du potage, un faisant froid, qu'on n'a pas même découpé, et des fruits. Il n'en faut pas tant, je vous assure, je n'ai pas faim, quoique je sois brisé de fatigue. Tiny, renonçant à la contemplation de ses souliers, leva les yeux sur son frère, de bien jolis yeux, vifs, souriants et charmants. Vous aurez une querelle avec Dulcie ? S'écria-t-elle. Dulcie et moi, nous ne nous querellons jamais. Comment ? Vous ne vous disputez pas un peu ? Pour n'en être que meilleurs amis ensuite ? Je croyais qu'il en était toujours ainsi entre amoureux. Tiny, je vous déclare que vous devenez insupportable, s'écria Horatia en s'adressant à sa sœur. Je désire vous parler quelques minutes, tête à tête, dit à voix basse Morton à sa tante. Miss Dorothée se prêta au désir de son neveu avec sa bonne grâce habituelle, et tout en pliant son ouvrage, elle dit à Morton, comme vous êtes pâle, qu'avez-vous ? N'est-il rien arrivé à Dulcie ? Dulcie va bien. À l'air sombre de leur frère, Clémentine et Horatia se doutèrent bien qu'il y avait quelque chose de troublé dans l'air. Pourquoi ce mystère ? Il ne fallait pas davantage, s'écria Horatia avec emportement et en abandonnant sa partie d'échecs, pour nous mettre dans des transes mortelles. Tante Dora vous apprendra bientôt tout, répliqua Morton d'un accent grave et ferme. L'événement qui s'est produit ce soir n'a rien de regrettable pour nous, au contraire. Mais il réveille nos plus cruels souvenirs, surtout en ce triste jour. Tante Dora, poussant un profond soupir, serra la main de son neveu. Puis tous deux se dirigèrent vers le boudoir de Miss Blake, pièce toute personnelle, où se reflétait l'élégance individuelle de la personne qui l'habitait. Partout des fleurs, partout des objets d'art étalés sur des tables de toutes dimensions. Ici, les livres préférés de Miss Dorothée, un bureau consacré au registre de comptes, des ébauches sur des chevalets, des portraits appendus au mur. L'un d'eux, placé au-dessus de la cheminée, attirait particulièrement les regards. Une belle tête d'homme avec de grands yeux bleus, un front large, des cheveux châtains, la physionomie sympathique et franche. C'était le portrait de Walter Blake, peint 2 ans avant sa mort, à l'intention de sa sœur qui l'adorait. Morton regarda l'image de son père, en prenant place près de la cheminée où brûlait un bon feu clair. Jamais portrait n'avait produit sur lui une telle impression. Il s'agit de quelque chose ayant rapport à la mort de votre père, n'est-il pas vrai ? Demanda Miss Blake à son neveu. Serait-on sur la piste du meurtrier ? L'assassin de mon père s'est lui-même dénoncé à la justice. Il est maintenant sous les verrous de la prison de Highlier. À ces mots, le visage de Dorothée blêmit d'une manière effrayante. Grand Dieu ! Qui est-ce, de grâce ? Ses lèvres tremblaient de telle façon qu'elle avait peine à articuler. Une misérable créature, un fauve plutôt qu'un homme. Enfin, voici l'heure de l'expiation qui approche pour lui. Mais sa vie, ne pouvant être mise dans la même balance que celle de mon père, ne saurait être une juste compensation. Dieu voit les choses autrement que nous, et je ne puis m'empêcher de plaindre la malheureuse créature que le remords a poussée à avouer son crime. Plaindre l'assassin de votre frère ? Répliqua Morton en se tordant les mains. C'est peut-être un sentiment chrétien, mais pour ma part, je ne saurais m'y associer. Je le plains d'avance, de la mort honteuse qui l'attend. J'aimais trop mon père pour être capable de cette noble pitié. J'en veux ce soir, je vous l'avouerai franchement, à tous ceux qui ne ressentent pas comme moi la satisfaction de la vengeance sauvage. J'en veux même à Dulcy, à Sir Everard. À Sir Everard, saurait-il? C'est à lui que le criminel a avoué son crime. Quel effet cette révélation a-t-elle produit sur lui? Elle l'a laissé complètement froid. Il paraissait considérer cet homme comme un imposteur, qui s'accusait d'un crime qu'il n'a pas commis. Ce fait s'est déjà produit, sans doute, mais ce n'est pas ici le cas de fausses accusations. L'homme n'était pas fou. C'est une brute, mais dans toute la possession de ses facultés, il sera puni. En vérité, ce n'est que justice. Vous ne pouvez, en bonne conscience, le regretter. Miss Blake hocha la tête d'un air triste et leva sur Morton des yeux humides de larmes. Le souvenir de la mort de mon pauvre frère sera-t-il moins pénible, parce que le misérable aura subi la peine de son crime? Non, mon ami, non. Je ne trouve là, pour mon compte, aucune satisfaction. Vraiment? Ne voyez-vous pas dans l'événement de ce soir le doigt de la Providence? Voilà un criminel tellement torturé par le remords qu'il cherche à en finir avec la vie, comme soulagement au fardeau sous lequel il succombe. Le pécheur, le criminel même, ne doit pas désespérer de la miséricorde de Dieu, si son repentir est sincère. Sans doute. Et libre à vous de prier pour lui et avec lui, riposta Morton d'un ton narquois. Oui, Morton, c'est vrai, répondit-elle avec calme. Puis, nonobstant l'air courroucé de son neveu, elle posa sur l'épaule de Morton une main blanche aux doigts longs et minces et dit « Nous voyons les choses, mon ami, sous un aspect différent. Vous êtes jeune, et il y a des années déjà que je ne le suis plus. Le temps seul peut enseigner le calme et la patience dans les plus terribles épreuves. Maintenant, cher ami, allez souper et tâchez de reposer cette nuit. Il vous fait faire provision de force pour suivre cette affaire dans ses phases diverses. Bonne nuit, cher enfant. Dites à votre sœur que je ne reviendrai pas au salon. » Dois-je leur apprendre ce qui est arrivé? Non, pas ce soir. Je leur dirai demain matin. Il est plus sage de les laisser bien dormir. Dora, après avoir congédié Morton, revint se placer en face du portrait de son frère. Quelle belle et loyale figure, dit-elle. C'était à croire en effet qu'il lui souriait. Puis elle se cacha le visage entre les mains, se rappelant avec horreur l'état méconnaissable du cadavre de Walter Blake tout maculé de sang et de boue. Seule alors, la tante Dora s'abandonna à toute sa douleur. De grosses larmes tombaient de ses yeux. À coup sûr, si Morton l'eût vue en ce moment, toute frissonnante d'émotions rétrospectives, il ne l'eût plus accusée d'indifférence. Peu à peu, elle se calma et, se renversant sur le dos de son fauteuil, s'écria « Enfin, Dieu merci, ce n'est pas ce que je redoutais. Tout est préférable à cela. » Elle se leva ensuite et alla ouvrir un pupitre où elle serrait ses papiers importants et précieux. Son journal, ses lettres, les souvenirs d'amis disparus pour toujours, en un mot, toute l'histoire d'un passé dont elle seule avait la clé. Elle ouvrit un tiroir, prit un paquet de lettres attaché par un étroit ruban de satin mauve quadrillé d'argent, ainsi qu'un écrin de maroquin rouge. Puis elle revint s'asseoir et resta quelque temps absorbée dans ses réflexions, l'écrin et le paquet de lettres sur ses genoux. Elle s'approcha ensuite de la lampe et ouvrit l'écrin. Il contenait une photographie de femme d'une rare et exquise beauté. L'expression douce et mélancolique, quoique souriante, exprimait le besoin d'aimer plutôt que le désir de briller et de commander. Ce n'était certes pas la physionomie d'une coquette. La courbe de ses lèvres, son menton délicat, indiquaient la tendresse, tandis que ses yeux doux, chastes et profonds, montraient à la fois la pureté du cœur et la force d'âme poussée peut-être jusqu'à l'héroïsme. Dora resta longtemps occupée à contempler ce merveilleux visage, s'oubliant dans ce rêve d'un passé évanoui. « Ah, combien je l'aurais aimé » soupira-t-elle. « Que nous aurions pu être heureux si le ciel l'eût permis. » Puis, elle dénoua le ruban qui attachait le paquet de lettres. L'écriture était fine et délicate. Nombre de mots soulignés donnaient plus de force encore à l'expression déjà passionnée de certaines phrases. Miss Blake parcourut en soupirant une page, une ligne çà et là. Les unes et les autres étaient palpitantes de vie et de chaleur, quoique, moins d'un an après les avoir tracées, la main qui les avait écrites fut glacée pour toujours. C'est trop douloureux, trop déchirant, s'écria Miss Blake, en réunissant les feuilles éparses. Puis elle remit le paquet dans le tiroir dont elle prit la clé. on venait de frapper à la porte. « Entrez !» dit Miss Blake, contrariée d'être ainsi troublée dans sa solitude. La porte s'ouvrit sans bruit et Lizzie Hartman demanda timidement si elle pouvait avancer. « Je n'ai qu'un mot à vous dire, bien chère tante. Vous ne me gênez nullement, mon enfant. Que voulez-vous ? » répondit Miss Blake après s'être laissée embrasser affectueusement par la jeune fille. « Je vois, reprit-elle, qu'il se passe quelque grave événement ici, et je crains que vous ne soyez dans la peine. » Que Morton était pâle, bouleversé, ne puisse savoir ce qui est arrivé. « Comme vous vous inquiétez de Morton, et de vous aussi, » ajouta Lizzie, « je vois que vous avez pleuré. Laissez-moi de grâce vous accompagner dans votre chambre. Je vous lirai quelques belles poésies, pour faire diversion à toutes vos tristes pensées. » « J'accepte bien volontiers votre présence, cher enfant, mais à condition que vous ne me ferez pas de questions. Vous saurez tout demain. J'attendrai. » « Mes nièces sont-elles couchées ?»« Oui, depuis une demi-heure. » Morton a fait semblant de souper. Quand il est remonté chez lui, il paraissait très souffrant. Il a eu une violente émotion. « Pauvre garçon, Miss Courtney sera-t-elle pour quelque chose ?»« Non, elle n'y est pour rien. Tant mieux, » dit Lizzie. Toutes deux montèrent alors un escalier qui conduisait à un corridor large et profond sur lequel donnaient les chambres à coucher.